Deuxième partie. À la réception de l'Hôtel du Nord. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous avez trois chambres pour moi. Je m'appelle Delon. Olivier Delon. Ah, monsieur Delon. Oui, j'ai vos chambres. J'ai une chambre à deux lits avec salle de bain. La chambre numéro 3. J'ai une chambre à un lit, la chambre numéro 4. J'ai aussi une chambre avec un grand lit avec douche, la chambre numéro 10. Alors, ça fait 100 francs par jour? Oui, monsieur. Oh là là, c'est cher. Allons. Le petit déjeuner est compris, n'est-ce pas? Oui, monsieur, tout est compris. Le petit déjeuner et le service. Et les taxes? Oui. Elles sont comprises. C'est parfait. Voilà, monsieur, une fiche. Une fiche pour toute la famille. Voilà. Vous voulez signer la fiche, monsieur. Oh, pardon. Vos valises, s'il vous plaît, messieurs, dames. C'est votre valise, mademoiselle? Ce n'est pas ma valise. C'est la valise de mon père.